Réintroduire des loups dans un écosystème, c'est faire pousser des arbres. Comment cela ? Eh bien, grâce à une cascade d'effets appelée cascade trophique, provoquée par une série de modifications de comportement des différents animaux, à commencer par celui des grands herbivores qui ne vont plus tout à fait se nourrir de la même façon et dont la population va se mettre doucement à décliner, non pas tant à cause des prélèvements directs des grands prédateurs, mais grâce à une arme beaucoup plus puissante et durable, la peur. Cette cascade trophique qui conduit au rééquilibrage d'écosystèmes complets porte un autre nom, l'écologie de la peur. Écologie de la peur, louilletu, c'est le programme flippant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette notion d'écologie ou de paysage de la peur et de l'impact des prédateurs ou des super-prédateurs sur les chaînes trophiques, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nadège Bonneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche en écologie comportementale dans l'unité écosystème forestier de l'INRAE. Et Jean-Louis Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite CNRS dans l'équipe Mouvement, Abondance et Distribution au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Mais on commence par celle qui ne travaille jamais aussi bien que lorsque je mets une petite araignée discrètement dans son sac. Arrêtez. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature, une étude qui circule beaucoup et selon laquelle le SARS-CoV-2 modifierait la structure cérébrale. Oui, grâce à une biobanque britannique, ces chercheurs anglais ont analysé les scans cérébraux de 785 personnes âgées de 51 à 81 ans et qui ont passé des IRM avant la crise du Covid et pendant l'épidémie. Les chercheurs ont sélectionné 400 personnes qui ont été testées positives entre les deux scans, et ils les ont comparés avec 380 personnes témoins sans Covid. Alors par comparaison, les chercheurs ont voulu voir si l'infection avait eu un impact sur le cerveau, dans sa structure et son architecture. Grâce à l'imagerie cérébrale, on peut mesurer les épaisseurs de différentes zones, le cortex cérébral ou une région, comme les bulbes olfactifs, qui est la voie d'entrée du SARS-CoV-2. On sait que l'un des symptômes de la première forme de Covid, quand c'était alpha et bêta, c'était la perte d'odorat. Et selon les auteurs, chez les patients infectés, on voit une diminution du volume de ces bulbes, mais attention, il ne s'agit que d'effets mineurs. Hervé Schneweis dirige le laboratoire Neurosciences Paris-Seine, il est médecin à la Salpêtrière et président du comité d'éthique de l'INSERM. Il faut considérer cette étude de façon très sérieuse, mais également avec beaucoup de prudence. Elle est très sérieuse à cause du nombre de personnes qui ont été incluses. À côté de cela, l'effet sur le cerveau est quand même extrêmement subtil. La plus grande variation qu'ils ont pu observer, et grâce à des modèles statistiques assez sophistiqués, sérieux, mais c'est quand même des modèles statistiques, c'est 2%. Et la plus robuste, c'est 0,2%. Donc c'est des modifications très discrètes de la structure du cerveau qui a été observée. Ce qu'il faut aussi considérer, c'est que le fait qu'il y ait une modification de la structure du cerveau n'est pas forcément associé avec une modification de la fonction du cerveau. Et en particulier dans cette étude, il montre que les fonctions cognitives, donc les capacités de raisonnement, ne sont pas statistiquement altérées. Enfin, il faut aussi considérer que les données les plus robustes le deviennent beaucoup moins quand on extrait de l'étude les 15 patients qui ont été hospitalisés, c'est-à-dire ceux qui ont eu la maladie la plus sévère. Donc au bout du compte, qu'est-ce que ça nous permet de dire? Ça nous permet de dire que oui, le Covid a très probablement un impact sur le cerveau. En tout cas, les premiers variants, puisque l'étude a été faite au moment où il y avait alpha et bêta, c'était avant le variant delta, avant le variant Omicron. Donc oui, probablement cet effet est de longue durée, mais il est subtil, il est discret, et les répercussions cognitives ne semblent pas à ce jour avérées. Donc ça nécessite de poursuivre les études, ça donne une base qui étaye l'hypothèse d'une altération du cerveau liée au Covid, mais encore une fois, très délicate, très subtile, très légère et pas forcément avec une répercussion fonctionnelle. Voilà, et vous pouvez retrouver cette étude ainsi que tout un certain nombre de liens concernant ce sujet sur notre fil Twitter comme chaque jour, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié hier, les émissions mondiales de CO2 liées au secteur de l'énergie n'ont jamais été aussi élevées. Mais 10 jours après la parution du dernier volet du rapport du GIEC, on découvre ce nouveau record. En 2021, le volume d'émissions de CO2 rejeté par la combustion des énergies fossiles a atteint les 36,3 gigatonnes. C'est le plus haut niveau historique. Et c'est aussi la plus forte augmentation d'émissions, avec un bond de 6% par rapport à 2020. Alors que les émissions de CO2 du secteur énergétique avaient chuté de façon inédite de 5,2% lors du confinement mondial en 2020, avec la reprise économique, toutes les régions de la planète ont connu une hausse des émissions, et en particulier en Chine. La NASA vient d'annoncer que la sonde Europa Clipper était en cours d'assemblage. Et la sonde aura pour mission d'étudier Europe, la lune glacée de Jupiter qui abrite probablement un immense océan souterrain, peut-être propice à la vie. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA sont en train d'assembler la sonde, qui devrait être aussi grande qu'une voiture, avec deux panneaux solaires longs comme un terrain de basket. 9 instruments scientifiques seront embarqués. Europa Clipper fera 45 survols du satellite pour imager sa surface, pour analyser sa composition et sa structure interne, la salinité de l'eau et l'épaisseur de sa croûte de glace. L'assemblage de la sonde devrait être terminé d'ici la fin de l'année pour un lancement prévu en 2024. Et enfin, selon une étude parue dans Behavioral Ecology, en ayant peur des chats, les rongeurs ont une influence sur la végétation. Et au Panama, 2 chercheurs ont observé des agoutis, des gros rongeurs des tropiques, et leur réaction face au risque de prédation des ocelots, des félins qui les chassent. Alors, ces rongeurs se nourrissent essentiellement de graines de palmiers qu'ils dispersent dans des cachettes et qui finissent pour la plupart par germer. Les chercheurs ont d'abord étiqueté et suivi des graines dans différentes zones d'une forêt, dans des lieux plus ou moins fréquentés par les félins. Alors sans surprise, un animal qui a peur mange moins, et cela a des effets sur la dispersion des graines. Là où il y avait des odeurs de félins, les graines de palmiers étaient nettement moins dispersées. Une écologie de la peur avec des répercussions sur la diversité de la végétation forestière. Comme ça tombe bien, dites donc, cette information pour notre émission du jour, puisque c'est exactement ce dont il est question. On reviendra dans quelques minutes sur cette information plus précisément. Mais lorsqu'on parle d'écologie de la peur, l'exemple vertueux qui est brandi par tous les écologues, c'est celui du parc de Yellowstone aux États-Unis. Après avoir supprimé et tué tous les loups dans les années 30, les populations de cervidés et notamment les wapitis se sont mis à pulluler au point tel que des essences d'arbres finissaient par disparaître comme les trembles ou les saules, provoquant à leur tour la disparition des castors, donc la fin des barrages et des étangs artificiels, donc la disparition finit par entraîner à son tour la raréfaction d'autres plantes et ainsi de suite. La réintroduction d'une quarantaine de loups à partir de 1995 aurait permis petit à petit de retrouver chacun de ces acteurs de la biodiversité. Ainsi suffirait-il, face à des écosystèmes mal en point, de réintroduire donc des superprédateurs pour que tout rentre dans l'ordre. Évidemment, la réalité est bien plus complexe que cela, mais ce concept assez récent est de plus en plus travaillé par les écologues sous le nom de paysage ou écologie de la peur. Écoutez comment sont définis les rapports proie-prédateur dans cette archive. Nous sommes en 1961 dans l'Université radiophonique internationale. L'écologiste étudie la prédation sous plusieurs aspects qui l'intéressent particulièrement, adaptation morphologique et physiologique entre la proie et son prédateur, évolution de ces adaptations, rapport de la prédation et de la sélection naturelle, prédation comme composante importante dans la chaîne de l'alimentation et dans la biocénose, effet de la prédation sur la croissance des populations de prédateurs et de proies. C'est cet aspect-là, la prédation dans l'écologie des populations, qui nous intéresse particulièrement et que nous nous proposons de traiter aujourd'hui. On oublie souvent que l'étude des rapports entre le prédateur et la proie présente 2 aspects. Premièrement, l'établissement du fait qu'une espèce vivante représente la proie préférée d'une autre espèce vivante. Deuxièmement, l'étude des effets de la prédation sur la population. S'il est relativement assez facile d'établir le premier fait, tant par des observations faites dans la nature que par des recherches de laboratoire, il est beaucoup plus difficile d'étudier les effets de la prédation sur les populations des proies et des prédateurs. C'est un problème que l'écologie n'a abordé que récemment. Elle l'étudie de plusieurs manières, par l'étude théorique, par des recherches expérimentales et par des observations dans la nature. Voilà, nous sommes donc en 1961 sur la radiodiffusion française. On entend qu'il est difficile d'étudier les effets que les prédateurs ont sur leurs proies. J'imagine que les choses ont évidemment très nettement évolué, Jean-Louis Martin, depuis 1961. Depuis 1961, ce qui a beaucoup... Rapprochez-vous un peu du micro, pardon, excusez-moi. Donc ce qui a beaucoup changé depuis cette époque, c'est en fait justement l'introduction de cette notion de risque et de comment ce risque de prédation, on emploie le terme de peur, mais en fait c'est comment les animaux gèrent un risque, qui peuvent le gérer relativement froidement, a amené à voir les relations prédateurs-proies de manière différente. On voyait à l'origine plutôt le coût létal, le nombre d'individus prélevés, alors que depuis les années 90, et surtout depuis 99, on s'est beaucoup intéressé au coût non létal, c'est-à-dire aux conséquences sur les individus non prédatés, sur leur comportement, sur leur alimentation, leur physiologie. Et on a de plus en plus d'arguments pour suggérer que ce coût non létal était souvent supérieur au coût létal. Et j'utilise souvent une métaphore, c'est que si vous êtes automobiliste et que vous prenez une assurance automobile, pour la plupart des personnes automobilistes, au cours de leur vie, le coût de l'assurance est très largement supérieur aux quelques égratignures ou à l'absence d'accident qu'ils auraient eu. Donc c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière, c'est que ce coût létal qui est très difficile à observer et à mettre en évidence est quelque chose qui, d'un point de vue du fonctionnement des systèmes écologiques, est important. Nadège Bonneau, comment est-ce que vous décririez-vous l'évolution justement de notre compréhension des rapports proie-prédateurs par rapport à l'archive que nous venons d'entendre et aujourd'hui avec ce concept d'écologie ou de paysage de la peur? C'est un petit peu ce que vient de dire Jean-Louis. En fait, on a vraiment réussi depuis récemment à essayer de décomposer les différents effets des prédateurs que les prédateurs ont sur les populations proies, et donc de différencier les effets directs létaux des effets non létaux. Et je dirais que c'est vraiment que très récemment qu'on s'est dit qu'on allait s'intéresser uniquement à la peur en soi et aux effets qu'elle pouvait avoir sur les populations proies, mais aussi sur les communautés et indirectement sur les écosystèmes. Et donc voilà, c'est quelque chose d'un peu plus englobant qu'on peut observer aujourd'hui. Mais après, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais il reste aussi beaucoup à faire parce que on a toujours beaucoup de manques, et notamment sur les proies en général ont plusieurs prédateurs, et en général les relations prédateurs-proies, on ne considère qu'une seule espèce de prédateur et qu'une seule espèce de proie, et c'est des choses qu'il nous faut encore étudier, approfondir pour mieux prendre en compte l'ensemble des espèces impliquées. À quand exactement elle remonte cette notion de d'écologie ou de paysage de la peur? Alors c'est vraiment très récent, l'écologie de la peur. Le terme a été utilisé pour la première fois en 1999 par un certain Brown. Après, le concept en soi est un peu plus vieux, puisque il a juste repris des notions qui étaient déjà étudiées et il a mis un terme dessus qui est l'écologie de la peur et qu'on utilise très largement aujourd'hui. Donc voilà, c'est une notion qui est assez lointaine, mais un concept vraiment théorisé qui est très récent. Et donc du coup, depuis les années 2000, on voit une explosion des recherches sur ces thématiques. Soit écologie de la peur, soit le paysage de la peur, ce sont des notions un petit peu différentes, mais qui rentrent dans le même contexte. Publication de 99 dans le Journal of Mammalogy, The Ecology of Fear, Optimal Foraging, Game Theory and Trophic Interaction. Quelle différence on peut faire vraiment? Il y en a-t-il une d'ailleurs, Jean-Louis Martin, entre l'écologie de la peur et le concept le plus classique qu'on utilisait précédemment de cascade trophique? C'est pas la même chose. La cascade trophique, c'est en fait, c'est lié, mais on met l'accent sur des conséquences indirectes d'un changement dans l'écosystème qui se répercute ensuite sur l'ensemble des éléments. Mais c'est vrai que le terme, là aussi, je crois, a été proposé par Estes sur une étude où il étudiait l'absence d'un prédateur des oursins, qui sont des sortes de vaches de mer, qui étaient mangées énormément par les loutres de mer, ces loutres de mer qui ont été exterminées pour la vente des fourrures. Et donc, on a constaté que ça avait une conséquence importante sur la forêt d'algues, les forêts de kelp, et qui était en fait un écosystème complet et qui se faisait brouter par ces oursins, et avec comme conséquence disparition donc de la végétation, de la faune, etc. Donc les cascades trophiques sont un des mécanismes qui est lié à cette présence ou absence de risque. L'absence de risque de prédation pouvant amener les herbivores à devenir maîtres du jeu et donc avoir des conséquences. Mais ça peut se lire dans l'autre sens aussi. On parle de conséquences de la présence du prédateur, mais l'image miroir, c'est quelles sont les conséquences de l'absence de prédateur. Or, on est dans un monde où on est plutôt dans un contexte où on a essayé d'éliminer les prédateurs, de se passer des prédateurs, et on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée, ou en tout cas, quelles en sont les conséquences? Donc ça se voit un petit peu de manière. Nadège Bonneau, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose pour faire bien le distinguo entre les deux, puisque c'est vrai qu'on en reparlera plutôt dans la deuxième partie. On peut avoir tendance à vouloir simplifier ces écosystèmes extrêmement complexes sous forme de pyramide. Or, les interactions sont bien différentes, et on va voir que dans cette écologie de la peur, il y a plein de petits paramètres qui vont, petit bout par petit bout, changer vraiment radicalement le comportement d'un certain nombre d'individus, jusqu'à vraiment radicalement parfois changer la nature même de la flore. Oui, tout à fait. Ouais. Alors après, le seul truc que je pourrais rajouter par rapport à ce que Jean-Louis vient de dire, c'est qu'effectivement, on avait cette notion de cascade trophique qui était liée vraiment à la consommation des prédateurs, de proie par les prédateurs à différents, et les conséquences en cascade sur différents niveaux. Ce qui est un peu plus récent, c'est que maintenant, on se rend compte que la peur toute seule peut générer des cascades trophiques. Donc même s'il n'y a pas de risque létal, la peur en soi toute seule peut générer des cascades trophiques, voilà, jusqu'au niveau végétal. Et juste simplement les interactions sont rendues effectivement compliquées entre les espèces, mais notamment ce que je voulais dire, c'est que dans un monde qui est dominé par l'homme, on a des interactions qui sont rendues plus complexes, ou en tout cas qui sont différentes entre les espèces, justement liées aux activités humaines. Et du coup, il nous faut comprendre comment les cascades trophiques se gèrent dans ce monde-là. On interrogera tout à l'heure, évidemment, la place de l'homme comme super prédateur au-dessus des super prédateurs, et on va voir que ça a plutôt tendance à compliquer un peu ces cascades trophiques et ces écosystèmes, mais on va plonger un peu pour comprendre exactement à l'intérieur de ces écologies de la peur, de ces paysages de la peur, comment les choses peuvent changer avec la disparition ou au contraire la réapparition d'un prédateur, et vous allez voir que il y a plein de petits événements qui bougent et qui font finalement bouger l'ensemble. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc d'écologie de la peur tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Louis Martin et Nadège Bonneau. Donc, vous l'avez dit, Jean-Louis Martin, le principe fondateur cette thèse, cette théorie d'écologie de la peur, c'est de dire que ce n'est pas parce que lorsqu'on introduit un super prédateur ou qu'on réintroduit un super prédateur dans un écosystème qu'il va tuer un certain nombre de proies, que ces morts vont à elle seule changer les choses. Il y a tout un système de petits bouleversements des rapports entre les différentes espèces qui va être modifié par ces introductions. Alors justement, pour essayer de clarifier un peu les choses, quels sont ces effets? On a déjà des effets sur le comportement des proies. Comment est-ce qu'elle va? Elle va avoir plus ou moins de vigilance? Est-ce qu'elle va utiliser l'espace de manière différente pour privilégier les zones moins risquées, mais avec peut-être aussi moins de ressources? Donc il y aura un découplage entre richesse de la ressource et risque. Des effets aussi sur la physiologie des proies. Si vous êtes obligé de changer votre régime alimentaire, ça va avoir des conséquences sur votre santé, sur votre capacité à accumuler de l'énergie. Sur votre taille, sur votre poids aussi. Ça va générer aussi peut-être, si on parle vraiment de la peur, parce que on peut aussi voir ça comme une gestion du risque. Si vous roulez à bicyclette, mettez un casque, mais vous n'avez pas peur, mais simplement vous anticipez un risque. Donc, mais il peut y avoir du stress. Donc un stress qui va avoir des conséquences physiologiques, et il va avoir des conséquences aussi sur le taux de reproduction de la population. Si cette différence dans l'alimentation, une alimentation moins riche, va avoir des conséquences sur la capacité, ou le stress au niveau de la physiologie va avoir des conséquences sur la capacité des animaux à se reproduire. Et donc les premiers effets, c'est les effets sur le comportement. Ces deuxièmes effets que je viens d'évoquer sont des effets plutôt sur la physiologie. Et les troisièmes effets, c'est notamment ces effets qui se répercute sur le reste de l'écosystème. Si vous ne mangez pas à certains endroits, certaines plantes vont être protégées de la prédation. Si vous privilégiez d'autres endroits parce qu'ils sont moins risqués, vous allez avoir un impact plus fort. Et donc là, on arrive à cette notion de cascade trophique qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc c'est un petit peu ça le schéma, un petit peu conceptuel ou... Bon, pour détailler un peu ce que vient de dire Jean-Louis Martin, donc il y a vraiment un point central autour de la notion de vigilance et de transformation des habitudes alimentaires. Comment ça se passe, Nadège Bonneau, quand grands herbivores, parce qu'on pense avant tout évidemment aux grands herbivores, se retrouvent à nouveau confrontés à un prédateur? On pense au loup, hein, c'est l'exemple un peu typique, mais on verra qu'il y en a d'autres. Alors que, eh bien, pour certains d'entre eux, enfin pour la plupart, voire pour la totalité d'entre eux, ils n'ont jamais connu de prédateurs dans leur vie parce que le loup a disparu depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans. Il y a des réflexes qui se remettent en place. J'imagine que ça se régule pas immédiatement, que tout ça prend du temps. Comment ça se passe en fait concrètement? C'est un peu complexe, mais effectivement, les proies qui n'ont pas connu de prédateurs naturels depuis un moment vont quand même reconnaître certains stimuli de prédation. Donc en fait, les odeurs, les sons, enfin voilà, il y a tout un tas de stimulus qui se trouvent être communs à différents risques de prédation et que les proies peuvent reconnaître justement en généralisant un petit peu ces stimuli. Et du coup, en fait, les proies, elles ont différents moyens d'agir quand elles perçoivent un risque. Elles peuvent éviter de rencontrer le prédateur, tout simplement en changeant d'endroit. Elles peuvent du coup éviter, enfin quand elles sont dans un endroit risqué, elles peuvent éviter de se faire détecter par ce prédateur. Ensuite, si elles se font détecter par le prédateur et que le prédateur attaque, elles peuvent essayer de fuir pour éviter l'attaque. Donc voilà, ça c'est différents comportements qu'elles peuvent mettre en place tout au long de la séquence de prédation. Et en fait, on va se rendre compte que les différentes espèces vont adopter différentes stratégies à ces différents moments de la séquence de prédation. Et elles vont, enfin voilà, les individus aussi vont adopter différentes stratégies. Et en fait, le principe de la sélection, c'est juste que simplement les individus qui réagissent le moins de façon le moins adaptée au retour des grands prédateurs, ben ils se font éliminer et il reste des animaux qui sont plus précautionneux. C'est la pression de sélection classique. J'ai lu, et c'est assez intéressant, que l'absence de prédateurs peut finir par supprimer l'effet de surprise. C'est-à-dire que certaines proies manifestent en fait le fait qu'il peut y avoir une interaction entre la proie et le prédateur, que certaines proies peuvent manifester le fait qu'elles ont perçu le prédateur, et donc il y a finalement un jeu et qui leur permettent aussi d'échapper à la prédation dans certains cas. Vous pouvez nous expliquer ça? Bon, le principe d'évitement, du coup, c'est ça que vous voulez dire, le fait qu'ils perçoivent la présence d'un prédateur qui n'est pas là à proximité immédiate. Qui signifie au prédateur qu'il a été perçu. Ah oui, tout à fait, et que du coup le risque que l'attaque va être moins probante, enfin voilà, c'est effectivement si la proie montre au prédateur qu'elle l'a détecté, bah du coup ça devient moins pertinent pour le prédateur d'attaquer parce qu'il sait qu'il y a un fort risque que son attaque échoue. Et dans la réalité, par exemple, bon, moi j'ai l'exemple de loups sur des élans, je crois qu'il n'y a que 6% des attaques qui arrivent à un succès, ou c'est-à-dire que le loup arrive à tuer l'animal à la fin. Donc 6%, c'est ridicule, quoi. C'est pas énorme. Voilà. Et donc du coup, si la proie montre au prédateur qu'elle l'a détecté, ça probablement que le loup a une meilleure chance d'aller attaquer un autre animal qu'il n'a pas encore repéré. C'est l'effet de surprise. Jean-Louis Martin, oui. Oui, et ça varie en fonction de la nature du prédateur. Vous avez des prédateurs qui fonctionnent à l'affût. Donc le lynx, par exemple, qui se cache et qui va sauter au dernier moment. Donc là, si ici il y a une information qui dit je suis détecté. Pour cet animal-là, les chances de succès sont quasiment nulles. Pour le loup, c'est affaibli, mais comme les loups, c'est un phénomène d'endurance, il peut peut-être quand même enclencher une poursuite. Si l'animal est affaibli, il va peut-être quand même pouvoir... Donc on voit là que la nature du prédateur va également changer le jeu. Et si vous avez deux prédateurs présents dans un milieu à l'affût et un qui fonctionne à la poursuite, vous complexifiez encore la gestion du risque par la proie potentielle. Je disais dans la préparation de l'émission qu'il y avait certains lièvres qui avaient pour habitude de se dresser sur leurs deux pattes et de montrer leur ventre blanc pour dire à leurs prédateurs qu'ils avaient été aperçus, et donc pour réussir en fait à négocier leur survie. On vous allez voir que c'est intéressant parce que cette écologie de la peur est encore, vous l'avez entendu, très récente, pas toujours beaucoup étudiée, et on parle pour le moment beaucoup de ses effets sur Terre, mais l'écologie de la peur, elle est aussi efficace sur Terre qu'en mer, comme par exemple le lien qui existe entre les otaries et les fous du Cap, auquel vous êtes intéressé, Alexandra Delbo, bonjour. Petit problème, je n'ai pas la liaison avec Alexandra Delbo. Alexandra Delbo, est-ce que vous êtes là ? Bonjour Alexandra. Bonjour Nicolas. J'ai rencontré Nicolas Courbin, chercheur CNRS en écologie comportementale au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Il étudie comment les otaries règnent par la peur dans la région de Bengala au large de l'Afrique australe. Les fous du Cap et les otaries partagent là-bas les mêmes proies, de petits poissons comme la sardine. Mais cette compétition pour la nourriture ne se fait pas à armes égales. Les otaries attaquent également ces oiseaux marins. Pour étudier comment les fous du Cap réagissent, Nicolas Courbin et les chercheurs de cette collaboration internationale ont suivi par balise électronique les deux espèces pour établir une cartographie de leurs déplacements. Ils montrent ainsi que les fous du Cap ont tendance à migrer la nuit lorsqu'ils doivent se reposer à 15 km plus au large des zones d'alimentation, là où se trouvent les otaries. Et ils y reviennent en journée pour se nourrir. Cela montre que les otaries installent un paysage de la peur qui pousse les fous du Cap à ajuster leur comportement nocturne. Le paysage de la peur, c'est comment les proies vont percevoir leur environnement et toutes les variations du risque de prédation dans leur environnement. Et en fait, elles vont s'ajuster selon les endroits. Donc, pas forcément même si elles rencontrent un prédateur, hein, juste le fait qu'elles pensent qu'il peut y avoir un prédateur ici. Et donc, elles vont ajuster leur comportement en fonction de ces zones potentiellement dangereuses. Et donc, on s'est intéressé à ces deux espèces, donc le fou du Cap et des otaries à fourrure. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont les mêmes proies, mais les otaries attaquent également les fous du Cap. Exactement. Donc, c'est ce qui a conduit à cette étude. Cette étude, ça sert dans un programme de recherche à long terme, qui se situe donc sur les colonies de fous du Cap, notamment sur l'île de Malras, en Afrique du Sud, qui connaît un contexte de surpêche très important. Et les fous se retrouvent donc en forte compétition, notamment avec les otaries pour la nourriture, mais également avec les pêcheries pour la ressource. Est-ce que vous avez voulu observer cet effet de la peur sur les fous du Cap, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils parviennent à gérer le risque de prédation entre les moments où ils doivent se reposer la nuit et le fait de devoir s'alimenter? Oui, c'est exactement ça. Les fous du Cap vont se nourrir sur les sardines, comme les otaries, mais à certains moments de la journée, notamment donc la nuit, où les otaries continuent à être très actives, les fous du Cap vont devenir plus vulnérables finalement aux attaques des otaries. Autant la journée, ils sont en compétition directe pour la nourriture, autant la nuit, l'otarie va devenir plutôt un prédateur des fous. Donc c'est une longue étude que vous avez menée entre 2003 et 2015. Donc vous avez 12 ans de suivi avec plus de 200 individus. Vous avez donc utilisé des balises. Oui, l'essentiel hein, de la méthodologie qu'on utilise, c'est ça, c'est du suivi GPS ou du suivi Argos, hein, selon les individus. Donc c'est principalement ces caractéristiques des déplacements. Et puis on va coupler en fait tous les déplacements qu'on observe des fous du Cap et des otaries avec des conditions environnementales. Donc notamment la température de l'eau, la distance à la côte. Donc c'est exactement donc ce qu'on voit sur la carte, hein, où dans un premier temps, grâce à l'étude des données de déplacement des otaries, on voit ce gradient en rouge, hein, nous montre un risque de prédation beaucoup plus important à la côte et qui diminue en s'éloignant donc vers le large. Et tous les petits points que vous voyez, donc les points verts, sont les points d'alimentation des fous la journée. Et on voit sur également les points bleus qui montrent toutes les localisations de repos la nuit des fous. Et en fait, ça a été assez surprenant ce qu'on a vu. Donc la journée, on a bien vu que les fous du Cap et les otaries vont utiliser les mêmes zones similaires près de la côte. Et donc, ils sont en compétition avec les pêcheries côtières. Mais la nuit, les fous sont beaucoup plus vulnérables aux attaques des otaries qui restent très, très actives. Et en conséquence, les fous, on a vu qu'ils adoptaient deux tactiques pour diminuer leur risque de prédation. Soit, dans 28% des cas, ils rentraient à la colonie pour rester en sécurité. Et dans 72% des cas, on a vu que les fous restent en mer et dorment à la surface de l'eau. Mais ils vont d'abord, avant de se reposer, ils vont d'abord prendre la peine de s'éloigner d'environ 15 km vers le large. Et cet éloignement va leur permettre de s'éloigner des zones côtières qui sont plus fortement patrouillées par les otaries, et donc de diminuer, in fine, leur risque de prédation. Et on a observé cette migration nocturne qui se répètent donc chaque jour leur permet de diminuer environ le risque de prédation d'environ 25%. Et donc, il y a de grandes conséquences à notre étude. Ce qui est important, c'est que c'est une des premières qui montre en fait cette notion de paysage de la peur à une échelle régionale aussi importante, à une échelle spatiale, pour tout l'écosystème de la région marine du Benguela. Et de plus, en termes de conservation, nos résultats ont aussi une importance capitale pour la désignation des aires marines protégées et montrent que l'on doit aussi tenir compte du paysage de la peur pour des mesures de conservation beaucoup plus efficaces, in fine. Parce que si on ne prend pas en compte cette notion de paysage de la peur, on pourrait finalement utiliser uniquement ce qui se passe la journée pour désigner des zones pour protéger les fous du Cap et ne pas tenir compte de leur déplacement d'environ 15 km au large la nuit. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que donc dans cet écosystème, les fous du Cap et les otaries vont interagir au sein d'un réseau trophique bien plus complexe, et la peur agit également sur les otaries. On sait par exemple que les grands requins blancs vont prédater les otaries, et les otaries, en réponse, vont ajuster leur comportement en fonction de ce que font les requins. Et c'est notamment ce qu'a montré une étude récente en Afrique du Sud, qui étudie les requins blancs et les otaries près de la ville du Cap. Et ils ont montré que suite à une diminution de la prédation par les requins, les otaries sont devenues beaucoup moins peureuses et passent beaucoup plus de temps à la surface de l'eau qu'avant. Et notamment, les auteurs ont montré qu'ils avaient une diminution de l'hormone de stress chez les otaries. Tout ça serait dû finalement au fait qu'il y ait des orques qui seraient passés par là et qui auraient probablement chassé les requins. Ces orques auraient redistribué les cartes du paysage de la peur pour les otaries. Et donc, il faut savoir qu'on a affaire à tout un empilement de différents paysages de la peur le long du réseau trophique, que la modification du comportement d'un prédateur va se répercuter dans tout le réseau. Ainsi, notre objectif, ça va être maintenant de poursuivre nos recherches en vérifiant si la migration quotidienne des fous en réponse au paysage actuel de la peur qui est imposé par les otaries est une adaptation comportementale récente, car le paysage de la peur aurait bien pu être très différent il y a à peine une décennie en fonction de la présence ou non des requins. Donc en fonction de cette densité et de comment vont se déplacer les requins, le paysage de la peur pour les otaries peut être totalement différent et par répercussion pour les fous du Cap également. Voilà un exemple concret d'écologie de la peur en mer. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Nadège Bonneau. Oui, moi je trouve cette notion de complexité des paysages de la peur de différentes espèces extrêmement intéressante. Et comme je disais en début d'émission, du coup ça reflète bien l'intérêt de montrer le maillage complexe qu'il y a entre les espèces au sein d'une chaîne trophique. Donc pas seulement la relation entre une espèce proie et une espèce prédateur, mais bien l'ensemble des maillons de la chaîne, quoi. Jean-Louis Martin. C'est une nouvelle illustration du côté passionnant de ces études où on se rend compte que plus on approfondit les choses, plus on a des surprises et plus on touche un petit peu à cette complexité. Donc, très beau sujet. Oui. On entendait d'ailleurs tout à l'heure dans le journal des sciences ces ocelots qui changent le comportement des rongeurs, qui changent la dispersion des graines. Donc, ça n'est pas nécessairement et uniquement dans le fait de la prédation des grands herbivores sur un certain nombre d'essences, mais c'est aussi sur l'implantation et la dispersion d'un certain nombre de plantes qui peuvent être changées par simplement la modification et la peur que peuvent inspirer certains des prédateurs. Jean-Louis Martin ? Oui, et puis en fait, ça souligne ce rôle majeur qu'a joué le... La présence, cette conversation entre les proies et leurs prédateurs sur l'évolution du monde tel qu'on le connaît. Moi, j'utilise souvent une petite métaphore en disant si vous avez une belle photo de biche, ses grandes oreilles, c'est probablement pour écouter les herbes pousser. Ses grands yeux, c'est probablement pour mieux voir les plantes la nuit. Et ses grandes pattes, c'est probablement pour courir après les plantes qui tentent de s'échapper. En fait, c'est absurde. Ce que nous dit l'animal, c'est je ne veux pas me faire manger. Donc, on a une histoire maintenant qui fait 400 millions d'années depuis l'apparition de la mâchoire, qui a construit un monde, une architecture qui se construit autour de cette conversation, et cette existence ou absence de risque. Et donc, on peut se poser la question, créer un monde sans prédateurs, quelles conséquences ? C'est une question centrale, Nadège Bonneau, puisqu'on sait que l'être humain a régulièrement supprimé les grands prédateurs de leurs écosystèmes parce qu'ils étaient dangereux, parce que on pouvait au contraire les consommer, parce qu'on pouvait faire quelque chose de leur fourrure, et puis s'est retrouvé à chaque fois avec des problèmes majeurs de pullulation, avec des écosystèmes appauvris, avec des terres piétinées, avec des inondations liées à des bordures de rivières qui étaient trop fréquentées. Enfin, on voit bien en tout cas que le sens inverse, c'est-à-dire la suppression du super prédateur, a vraiment un effet chaotique très très important et à assez court terme. Oui, ça peut aller effectivement assez vite. Et en fait, c'est aussi lié à cette notion que les grands prédateurs, ils ont un impact sur les ongulés et sur les ongulés sauvages. Et c'est, en fait, c'est, toutes ces espèces, ce sont des ingénieurs des écosystèmes. Donc, je sais que vous en avez parlé un petit peu dans votre émission de décembre. Et donc, en fait, ce sont des espèces clés qui modulent vraiment l'écosystème, les milieux dans lesquels elles se trouvent. Donc, effectivement, quand on laisse certaines espèces qui ont des effets comme ça sur les écosystèmes pullulés, ou au contraire quand on les élimine de l'écosystème, ça a des impacts importants pour plein d'espèces et plein de communautés et pour le milieu. J'ai le souvenir d'ailleurs d'un documentaire sur certaines plaines, grandes plaines des Highlands en Écosse, qui sont complètement rases, avec vraiment une végétation rase où plus rien ne pousse, où l'un des intervenants expliquait que c'était des forêts, et que c'est vraiment la population d'une espèce d'ongulée qui veut maintenant un peu raser absolument tout et avait totalement empêché la pousse de cette forêt, et sur des surfaces qui sont vraiment impressionnantes. C'est-à-dire que vraiment le paysage n'a pas été légèrement modifié, mais a été complètement transformé pour devenir ces espèces de terres rases avec des herbes sans aucune forme d'arbre, ou en tout cas de choses plus hautes que des petits buissons, quoi. Bon, j'ai eu la chance d'étudier un système où on avait côte à côte des îles sans cervidés et des îles avec cervidés sans prédateurs, et ce qu'on a montré, c'est qu'en présent, au bout d'un certain temps, de 20 à 50 ans, on perdait 90% de la végétation du sous-bois, c'était des forêts primaires, donc il n'y avait pas d'autres facteurs impliqués. On perdait plus de 50% des oiseaux forestiers et plus de 80% des insectes, et on empêchait certaines espèces d'arbres de régénérer. Et par une approche expérimentale, on a pu montrer qu'on pouvait renverser le système en exerçant une pression de chasse sur une île expérimentale, et on a pu voir le phénomène inverse. Donc ce sont des choses qui sont pas marginales et qui marchent dans les deux sens. On va continuer à parler de cette écologie de la peur, puisque évidemment, si tout a l'air simple quand on en parle comme ça autour d'une table, il s'avère qu'évidemment ces écosystèmes sont des écosystèmes complexes et que bien parfois il ne suffit pas d'ajouter un prédateur pour tout rééquilibrer, et qu'il faut faire ça avec parcimonie, avec discernement. On en parle dans quelques secondes musicales. Voilà un exemple d'écologie de la peur. S'il y a un requin dans la baie, vous n'allez pas vous baigner. Bah, c'est à peu près la même chose avec le loup et les cervidés. Vous avez reconnu évidemment le thème des dents de la mer de John Williams à 16h40 sur France Culture, puisque nous parlons donc de l'écologie et des paysages de la peur en compagnie de Jean-Louis Martin, directeur de recherche émérite CNRS dans l'équipe Mouvement Abondance et Distribution au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, et Nadège Bonneau, qui est chargée de recherche en écologie comportementale dans l'unité écosystème forestier forestier de l'INRAE. Pour la petite histoire, il y a un exemple d'écosystème de récif corallien à Hawaï où l'absence du requin-tigre a, là, une fois de plus, totalement bouleversé l'écosystème en supprimant l'un des compétiteurs des requins des récifs qui s'est mis à grandir et puis petit à petit a trop consommé de poissons et tout ça s'est terminé avec y compris la disparition d'oiseaux de mer et même jusqu'aux poissons de fond qui n'avaient plus de prédateurs dans les eaux de surface. Bref, voilà, il suffit d'enlever un requin pour que tout aille mal, mais comme tous les mercredis à l'heure de la à peu près 16h40, 16h30, ça dépend des semaines, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Dessart, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur l'influence des caractéristiques physico-chimiques des écosystèmes aquatiques sur les interactions proie-prédateurs, une approche comportementale et neuro-anatomique. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci pour votre invitation. Bon, moi, je vais vous parler à une échelle un peu plus petite. Chaque animal, chaque espèce vit avec sa propre perception, c'est-à-dire sa capacité à faire expérience avec son environnement, son Umwelt, son monde propre, comme disait Jacob von Uxkull. Par exemple, il disait que la tigre n'a besoin que de trois stimuli dans sa vie. D'abord, l'odeur de l'acide butyrique, qui est synonyme de sueur chez les mammifères. Lorsque la tigre sent cette odeur, elle se laisse tomber d'une branche. Et si par chance, elle tombe sur la peau d'un mammifère, elle active un capteur tactile et elle se met à courir jusqu'à ce qu'elle trouve une température de 37 degrés. Et à ce moment-là, elle va enfoncer sa tête dans la peau de l'animal, se remplir de sang, puis se laisser tomber, pendre ses œufs et mourir. Bon, c'est une vie assez simple et tragique, je suis d'accord, mais on voit bien que même avec toute la technologie possible, ce serait dur d'imaginer ce qu'une tique peut ressentir lorsqu'elle va se gorger de sang. En plus, les tiques ne parlent pas, donc si on s'intéresse à savoir ce qu'elles ressentent, il faudrait d'abord développer d'autres manières de communiquer avec elles. Puis, si on y arrive, on pourrait regarder d'une part à quel point ces animaux peuvent ressentir ce qu'ils ressentent, et puis d'autre part, comment l'environnement va modifier leur capacité à ressentir des choses. Mais est-ce qu'on pourrait faire l'inverse? Est-ce qu'on pourrait se servir du comportement des animaux et de la manière dont ils vont percevoir leur environnement, justement pour estimer des conditions environnementales? C'est cette approche qu'on a choisie dans ma thèse. On se sert du comportement de deux insectes pour nous informer de la santé de milieux, en particulier de milieux aquatiques. En région Centre-Val de Loire, on a sélectionné des étangs et on regarde des paramètres liés à l'eau en partenariat avec deux laboratoires de chimie. On identifie aussi les communautés animales qui sont en lien avec l'écosystème, avec l'association naturaliste Colalis. Et enfin, il y a notre approche de neuroéthologie, où on s'intéresse au comportement des animaux en lien avec leur système nerveux. Et on sait que le cerveau des insectes est vraiment fascinant et très développé. Les abeilles, par exemple, apprennent très bien à différencier des couleurs, des odeurs ou des concepts comme à droite d'eux ou au-dessus d'eux. Dans ce cadre, nous, on étudie les libellules et les moustiques à l'état larvaire. Pourquoi? Parce que les larves de libellules sont de redoutables prédateurs qui chassent et dévorent des larves de moustiques, leur proie, tout ça dans l'eau. Les deux insectes sont importants pour nous les humains, puisque les moustiques représentent le principal vecteur de maladies dans le monde, et les libellules, au contraire, sont protégées et vont réguler ces populations de moustiques. Dans mon projet de thèse, j'ai mis au point un système automatisé qui permet de suivre le comportement des larves de moustiques de manière précise. J'utilise une caméra et des algorithmes qui vont me renseigner sur les trajectoires des larves au cours du temps. J'utilise ce système dans le cadre d'un protocole d'apprentissage qui s'appelle l'habituation. Les larves de moustiques passent beaucoup de temps à la surface de l'eau car elles respirent l'air atmosphérique via un siphon. Lorsqu'un prédateur s'approche, elles se laissent décrocher de la surface et plongent le long de la colonne d'eau. Dans notre expérience, on simule un prédateur avec une ombre et on regarde le comportement des larves lorsqu'il y a cette ombre. Au début, les larves plongent, elles ont peur, et petit à petit, elles s'habituent, elles restent à la surface. Et donc, on mesure la vitesse à laquelle elles apprennent à ne plus avoir peur. Ça, c'est leur performance d'apprentissage. Elle mesure le temps qu'elle se rappelle que, bon, ok, c'est une ombre, mais vu qu'elle ne me fait rien, bon, ben, je pourrais rester à la surface tranquille. Ça, c'est leur mémoire. L'intérêt de ce protocole, c'est de mesurer l'impact de substances chimiques, comme des herbicides, que les laboratoires de chimie partenaires vont trouver dans les étangs. Donc, on élève nos insectes en présence de ces substances, et on regarde si elles modifient leur manière d'apprendre grâce à ce protocole. Très concrètement, mes superviseurs ont montré que si des larves de moustiques sont élevées dans une eau qui contient du glyphosate, elles ne vont pas s'habituer aux prédateurs. On a donc montré que le glyphosate agissait directement sur leur système nerveux central. Maintenant, je suis en train de tester d'autres substances chimiques, mais aussi leurs effets cocktails. On sait que deux substances peuvent très peu affecter un organisme de manière individuelle, mais que mises ensemble, elles peuvent avoir des effets beaucoup plus importants. Et ensuite, on va faire la même chose avec les larves de libellules, en mesurant cette fois-ci leur performance de prédation, comment elles font pour capturer des proies, ici des larves de moustiques, et comment cette prédation est modifiée par des substances chimiques. Et enfin, la troisième étape, c'est d'aller voir directement dans le cerveau quelles vont être les régions qui vont être modifiées par ces substances chimiques en utilisant les techniques de microscopie confocale et de reconstruction anatomique. Voilà. Donc, pour résumer, je communique avec des insectes pour savoir comment ils vont percevoir leur environnement visuel ou olfactif dans le cadre d'interactions entre des proies et des prédateurs et comment cette perception va être modifiée par des polluants, par exemple. À terme, on aimerait développer une méthode simple pour voir la qualité d'un milieu aquatique en complément d'analyses approfondies qui sont parfois longues et coûteuses. On aimerait simplement prélever quelques larves dans leur environnement et leur faire passer un test comportemental pour savoir si l'écosystème est en bonne santé ou non. Merci beaucoup Martin Dessart et toutes nos excuses pour la qualité sonore qui n'était pas formidable, il faut bien le reconnaître. Peut-être un mot parmi deux questions suite à cette présentation, Nadège Bonneau. Quelque chose qui est important et qu'on entendait dans les travaux de Martin Dessart, c'est vraiment la différence de l'habituation par rapport à l'adaptation. On parle vraiment d'une réhabituation à vivre dans le même espace qu'un prédateur, et c'est une notion centrale. Oui, tout à fait. Alors, par contre, contrairement à l'adaptation, c'est que ça se fait pas aux mêmes échelles de temps. L'adaptation, c'est vraiment à l'échelle de temps évolutive. L'habituation, c'est vraiment plus la plasticité, la flexibilité des individus par rapport à un stimulus. Et donc là, dans ce cadre-là, on est vraiment dans l'habituation qui va permettre aux animaux de diminuer leur réponse au risque, et donc diminuer les effets délétères que le stress peut avoir à long terme si la réponse était toujours maintenue à un niveau trop élevé. Parce que le stress, on l'a évoqué dans la première partie, Jean-Louis Martin, c'est vrai que voilà, ce sont des animaux qu'on va réexposer à un stress chronique, constant, quasiment permanent. Ce qui pose aussi une autre question, c'est comment est-ce qu'on étudie précisément sur le terrain ces écosystèmes? Comment est-ce qu'on étudie justement le niveau de cortisol, par exemple, que l'on peut retrouver chez certains cervidés, leur niveau de stress? Est-ce que c'est un stress qui rend leur vie douloureuse, difficile, compliquée? On est aujourd'hui sensible, certainement plus qu'on ne l'était avant, au bien-être animal. Est-ce que c'est un stress chronique? Est-ce que c'est un stress auquel ils s'habituent? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, ce qu'on peut dire... Bon, déjà que là aussi, il y a de la variation. Il y a des espèces qui... donc, ça s'étudie en... Pour les grands angulés, il faut collecter des fesses, des fraîches, et donc les transférer dans un laboratoire dans des conditions de congélation constante, ce qui est assez compliqué. Mais ce que les résultats montrent, c'est que pour pas mal d'espèces, il y a une capacité, notamment pour les ongulés, à gérer ce stress. Donc, on peut avoir une réponse à un moment donné où il y a un stimulus, une menace concrète, et donc là, il y a un stress qui se met en place, mais qui est géré. Mais il y a donc chez certaines espèces, c'est un petit peu un petit pic, mais sans trop de conséquences sur la fitness. Mais d'autres espèces sont soumises, quand il y a un environnement, un paysage de la peur clairement identifié, sont soumises à des stress chroniques et qui donc ont un impact sur leur capacité, sur leur potentiel de reproduction, par exemple. Mais ce qui est aussi, par ailleurs, ce qui est recherché, souvent. Enfin, rechercher, c'est de mettre un peu de dessin là-dedans, mais en tout cas, c'est une des conséquences. Voilà, c'est une des conséquences qui fait que... les populations réduisent. Il y a des sortes de régulation, donc en fait, voilà. Un mot sur cette question du stress et plus généralement sur les techniques d'études de ces écosystèmes complexes. Oui, par exemple, nous on a mesuré le cortisol sanguin pour le coup dans une population de chevreuils en Suède, et on les manipulait régulièrement au cours de l'hiver. Ils étaient attrapés et on les manipulait, et on s'est rendu compte que au bout de 5, 6, 7 captures, ils commençaient vraiment à diminuer à la fois leur réponse comportementale au stress de la manipulation, mais aussi la réponse physiologique, c'est-à-dire que le cortisol diminuait de plus de 30% avec le nombre de recaptures. Donc ça, c'est un phénomène d'habituation à court terme. Par contre, on a aussi étudié la proximité aux routes et l'impact que ça pouvait avoir sur le cortisol. Et on s'est rendu compte aussi que plus les chevreuils étaient à proximité des routes, et plus ils avaient tendance à avoir un niveau de cortisol élevé. Après, ça dépendait un peu de l'habitat aussi où ils étaient, s'ils se sentaient dans un habitat refuge ou pas. Mais voilà, en fait, du coup, On peut se rendre compte que certaines structures anthropiques qu'on considère pas forcément comme importantes peuvent avoir un effet sur le long terme, sur le stress des animaux. D'autant que pour les ongulés, le nombre d'ongulés qui décèdent dans des accidents de la route, c'est un nombre très élevé. Ça se compte en centaines de milliers par an. J'ai pas les chiffres, mais c'est très élevé. Mais ce qui nous amène par ailleurs à parler de ce super prédateur parmi les super prédateurs qu'est l'être humain, avec peut-être pour commencer d'ailleurs, Jean-Louis Martin, je l'évoquais au tout début de cette émission, cet exemple type qui est bien en général amené sur la table dès que l'on parle justement d'écologie de la peur et de la réintroduction réussi d'un prédateur dans un écosystème qui avait été dégradé, c'est Yellowstone. Néanmoins, cet exemple type, cette sorte de paradis initial de la réintroduction de super prédateurs, ça a été beaucoup critiqué et on a dit on a voulu voir finalement une chaîne de conséquences, de causalité, voire de corrélation qui était peut-être établie un peu au forceps. Oui, alors donc ça a eu beaucoup de succès parce que c'est Yellowstone, c'est beaucoup de succès parce que les auteurs de ces études avaient une très bonne capacité à décrire leurs travaux. Et c'est vrai qu'il y a eu des critiques en disant oui, ok, vous avez tiré des conclusions, mais parfois un peu vite, etc. Ceci étant dit, il y a des études qui ont été faites dans des endroits moins peut-être visibles, dans l'est des États-Unis, qui ont tendance quand même à confirmer l'idée générale. Donc, alors je dirais que peut-être l'exemple de Yellowstone, on peut peut-être le comparer, et ça aussi c'est une zone protégée, etc. Donc comment est-ce que ça se répercute sur des zones plus anthropisées? Mon approche là-dessus, c'est de considérer ça un petit peu comme des caricatures, dans la mesure où si vous regardez un journal satirique bien connu, vous reconnaissez les personnages qui sont décrits, il n'y a pas d'ambiguïté. Et pourtant, si vous prenez des mesures, il n'y a rien qui colle. Donc je dirais que peut-être, moi je vois Yellowstone, peut-être malgré ses inexactitudes ou ses imprécisions, comme des caricatures, mais qui représentent quand même qui sont quand même une image qui reflète la réalité des phénomènes en général. Nadège Bonneau, un mot sur Yellowstone et sur les critiques qui ont été émises. Oui, tout à fait. Effectivement, je suis d'accord avec Jean-Louis. En fait, le mécanisme reste là et reste vrai. Après, c'est effectivement plus le contexte de Yellowstone qui est peut-être un petit peu caricatural. Et la question, c'est est-ce qu'on peut retrouver ce genre d'effet en cascade dans d'autres environnements et notamment, par exemple, en Europe, dans des environnements qui sont fortement dominés par l'homme. Et la réponse est on ne sait pas. Mais a priori, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de Enfin, les études qui ont été faites jusque-là n'ont pas réussi à montrer ce genre d'effet de façon aussi importante. Et une des pour quelle raison, voilà. Voilà, une des raisons qui est impliquée, c'est de dire que l'homme en soi modifie tellement, enfin, une part tellement importante dans la modification de l'écosystème, dans les interactions avec les animaux et dans les interactions des animaux entre eux, qu'en fait, il va prendre toute la part et que même si on a une modification, même si on a un retour, par exemple, d'un grand carnivore dans une région où il n'était pas jusque-là. Comme le loup en France, par exemple, ou le lynx, on n'est pas sûr que les effets en cascade sur les herbivores et la végétation soient les mêmes que ceux qu'on a observés à Yellowstone, tout simplement. Parce que l'homme modifie l'environnement, il modifie la forêt, il modifie le milieu, il modifie fortement le comportement des proies et il modifie aussi le comportement des prédateurs. Donc du coup, ça laisse plus beaucoup de place à la relation proie-prédateur là-dedans. Ça veut dire, Jean-Louis Martin, que on précise qu'il n'y a pas de réintroduction du loup en Europe, qu'il est revenu naturellement par les Alpes et par l'Italie, mais qu'on constate dans les endroits, dans les forêts où le loup est réapparu, qu'il n'y a pas eu plus de régulation, que ça n'a pas changé la population de cervidés, la population de sangliers aussi, par exemple. Deux choses. Il y a des zones anthropisées dans l'est des États-Unis. On a montré un petit peu des mécanismes comparables à Yellowstone. Mais pour revenir à l'Europe, et je complète, et c'est un petit peu dans le sens de ce que disait Nadège, ce qu'il y a, c'est que la difficulté, c'est qu'on a les effets sont plus facilement masqués parce qu'on a des facteurs confondants. Ceci dit, comme par exemple. Vous aviez du pâturage en forêt, qui n'existe plus, il y a les ongulés, mais si vous introduisez... donc, quel est votre état de référence? Oui. la difficulté de l'état de référence en Europe, c'est ça aussi. On n'a pas d'état de référence. C'est un petit peu, moi je disais ça tout à l'heure à Nadège, c'est un peu l'écologue, il s'est souvent face à situation tragique où on lui dit... Voilà, essayer de comprendre cet écosystème. En fait, à l'origine, ça représentait un puzzle de 1000 pièces. Malheureusement, il ne nous reste que 50 pièces que vous pouvez étudier et on a perdu la photo. Donc, c'est sûr qu'en l'absence de référence, ceci étant dit, de façon plus concrète, le retour du loup dans les Alpes du Sud a eu un impact, au moins au départ, très très fort sur les populations de mouflons. Donc, la difficulté, c'est qu'on observe ce qu'on étudie. On a des réponses si on étudie les phénomènes. Et on n'a peut-être pas encore suffisamment de travaux qui sont faits là-dessus, notamment en France, où on a beaucoup travaillé sur la démographie des ongulés, mais beaucoup moins sur les relations prédateurs-proies. Et on a pour l'instant un petit peu loupé l'occasion d'anticiper le retour du loup et d'avoir des zones où on regarde ce qui se passe avant et on suit ce qui se passe après. Donc c'est plus compliqué. Et puis avec ce problème pour le loup en l'occurrence, qui est effectivement l'occupation du territoire par les êtres humains et le problème de cohabitation avec notamment les élevages qui pose des problèmes puisqu'on ne peut pas isoler des écosystèmes en extrayant totalement l'activité humaine. Ah oui, c'est compliqué effectivement d'enlever l'activité humaine des écosystèmes aujourd'hui. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le but en fait. Peut-être pour aider au retour de certaines espèces emblématiques, on devrait effectivement conserver des zones sans activité humaine. Mais après, c'est pas ce qu'on veut pour l'ensemble de la France, par exemple. Donc l'idée, c'est surtout d'essayer de comprendre quel impact vont avoir le retour de ces espèces, comment on peut cohabiter avec elles et quel impact après ça aura sur les espèces proies et sur les écosystèmes, sachant qu'on est là et qu'on a un impact aussi, mais qu'il faut le comprendre. Et en fait, on ne s'intéresse pas beaucoup à l'impact de l'homme, à notre propre impact sur les milieux et sur les espèces. Pas assez. Est-ce qu'on peut considérer que la présence, tout à l'heure, Nadège Bonneau parlait des routes, on peut penser au train, on peut penser au trafic, je sais pas, à l'aviation, aux chasseurs, évidemment, enfin, que l'être humain, que l'activité humaine fonctionne à la manière d'un gigantesque superprédateur qui est présent à peu près partout sur le territoire et qui modifie le comportement de ces espèces de grands herbivores sauvages. Clairement, je veux dire, on a un impact tel que les espèces qui vivent avec nous sont obligées de les intégrer dans leur comportement. J'aimerais juste revenir sur cette situation très difficile du retour des carnivores vis-à-vis de l'élevage. Où on peut très facilement mesurer les impacts négatifs qu'ils ont sur cette activité. Mais c'est aussi important, je pense, d'essayer de réfléchir un petit peu à d'autres conséquences de la présence de fortes populations d'herbivores, d'ongulés. Et si la présence du retour du prédateur peut avoir un impact là-dessus, que ce soit sur les dégâts à l'agriculture, la régénération des forêts, la santé, l'épisodie de Lyme est favorisée par des fortes densités d'ongulés. Et vous avez évoqué la collision avec la grande faune, donc ça fait pas mal de gens qui meurent, qui sont blessés. Est-ce que la présence d'un prédateur va modifier ces choses-là? Et c'est quelque chose qui, dans la littérature, commence à apparaître, des éléments. Mais encore une fois, on vit dans des mondes très complexes et il y a une asymétrie entre percevoir la difficulté, par exemple, à l'élevage, et comprendre les éventuels effets positifs à nos activités que de la présence de ces prédateurs. Très difficile. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci. Jean-Louis Martin, merci Nadège Bonneau d'être venu nous parler de cette écologie de la peur. La méthode scientifique, c'est Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Natacha Trioune, Neguette Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation et Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France où nous venons d'apprendre pendant l'émission que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup pour ça. Et vous pouvez également nous réécouter sur franceculture.fr et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.